Elle aime faire la fiesta, se laisse prendre par la taille. Elle assure le spectacle, par ici là. Dangerous, dangerous, elle est dangerous, dangerous, dangerous. Elle et moi on s'évade, si on reste on s'égare. Quel est ce monde où l'amour sépare? Elle m'a répondu je sais pas. Ta tête aux pieds tu es le goûter. T'es fait pour moi, n'en plus douter. Mais si tu laisses tous les hommes passer, passage clouté. Tu wine wine, t'assures, tu maîtrises. Minimum le S-line, sinon tu méprises. Tu gères ton corps comme une entreprise. La nuit t'appelle, tout sous son emprise. Elle aime faire la fiesta, se laisse prendre par la taille. Elle assure les spectacles, par ici là. Dangerous, dangerous. Je la regarde danser puis faire la star. Serais-tu l'ange de mes cauchemars? Elle m'a répondu je sais pas. Du nord au sud des hommes envoûtés, partout tes femmes sont redoutées. Mais si tu laisses tous les hommes toucher, tu ne seras plus velouté. Du wine wine t'assures tu maîtrises. Minimum le 4 étoiles sinon tu méprises. Au fond de ton cœur c'est vraiment la crise. La nuit t'appelle t'es sous son emprise. Elle aime faire la fiesta, des favelas à la villa. J'ai besoin d'elle. J'ai mis les bagages dans l'audi. Elle me parle, je suis déconnecté. Rimka 1-3, t'offres mafia. J'ai besoin d'elle. DJ Ahmida, m'appelle pas. J'suis pas là.